Blessed are you, wisdom, thanksgiving. Thank you.

Mais si la Bible déclare que les hommes étaient poussés par le Saint-Esprit, ils ne faisaient pas par eux-mêmes. Donc vous voyez un chrétien qui s'est dit, et il dit, pasteur, il n'y a rien pour moi ce matin. Il n'y a pas de prophétie pour moi. Et il appelle celui-là pasteur. S'il avait lu sa Bible, il veut savoir que les pasteurs ne sont pas des prophètes. Donc tu n'as pas dit un pasteur que tu n'as rien pour moi aujourd'hui. C'est du domaine des prophètes. Oui. Donc c'est pour ça que vous voyez les pasteurs ont quitté le titre de pasteur en disant que ça ne paye plus. This is why you see other pastors are living their life and that they not pay. Ils sont maintenant prophètes. They are now prophets. Et là maintenant on leur pousse à dire des choses selon les désirs des cœurs. Quand vous êtes assis comme ça, il y a un qui lit vos cœurs. Qui connaît les prières que tu as faites à la maison, ce qu'il en a fait. Connaît tes besoins. Alors il peut lever quelqu'un, même pas le pasteur. En disant que telle soeur, tel frère, Dieu dit. Voilà l'utilisation de ces dons spirituels dans l'église. Mais le fait qu'on ne veut pas de lui dans l'église, on a cantonné ça à une seule personne. Pourtant, si le Saint-Esprit était là, de la bonne façon, comme la Bible le dit, on n'aurait pas de sorciers et de sorciers dans l'église. Une femme se met à devoir être prophétisée, on voit que c'est le même serpent que pour la méchante. And prophétise, meanwhile, it is the serpent that is saying it. La peau de Paul a chassé, ils ont apprécié ton jugement. And the Paul chased it out, but today they have accepted it in church. Et aujourd'hui, on trouve dans les prophétesses qui prophétisent de la même façon. We are seeing prophétesses that are prophesying in church. Avec des mauvaises vies. With good and bad life. D'autres sont sérieux. Others are serious. Même vierges. Even virgins. Mais c'est quand même le serpent. But it is still the serpent. Même Satan a des vierges chez lui. Even Satan has virgins. C'est difficile, jeune. All the disciples. J'ai l'histoire d'un frère qu'un marabout lui a dit. I have the story of a brother that a rich doctor. Ils sont allés en bordure de mer à Libre. That they have gone to the sea. L'esprit est sorti de l'eau. A spirit came out from the water. Donner l'ordre qu'il faut que le marabout qui travaille pour lui jeûne pendant 7 jours sans manger. The order that the which doctor that is working for him to fast for 7 days without eating and drinking? Il, ça c'est le marabout. Il a jeûné exactement. He has fasted exactly. Quand il jeûnait le jour de jeûne, les remèdes tombaient depuis le ciel. The day that he was fasting, medicine was coming out from nowhere. And il donnait à ses frères là pour que sa femme puisse boire parce qu'elle voulait continuer. But giving it to that brother so that his wife should drink because she wanted to continue. Le marabout là disparaissait, on le laissait en bordure de mer, on vient en maison le tout là-bas. The witch doctor was disappearing, they leave him for the day and they leave him in the house. Mais là, l'enfant n'est pas rentré. That the child did not come. Nous avons la puissance d'adversaire en face de nous. We have the power of our adversaries before us. Ils jeûnent pour faire leur mission. They fast to do their mission. Si on dit à nous, on est jeûne, jeûnons jusqu'à dimanche aussi. Let us fast now. C'est pour ça qu'on dit que, donc le matin, que soit je ne mange pas. Some people will start asking themselves, so I will stay from now till morning. Mais quand le démon dit à un être humain qui le sait de jeûner, c'est je ne discute pas. But when the devil tells someone that fast, he will not argue. Il jeûne, il a les résultats. You will fast and you have his word. Et toi tu es assis. Then you are seated. Tu dis que Dieu est bon. You say God is good. Mais la Bible déclare que Jésus avait dit dans Jean dans le Marc que lorsque les poules seront enlevées, that when the cow shall be removed, alors tes disciples jeûneront. Tu n'entends pas ça. You don't hear that. Tu parles pas ce qu'il a dit à la porte de Dieu. Alors que ça n'a plus rien à voir avec le jeûne. Donc vous devez jeûner pour ouvrir votre cœur. Pour que votre chair se calme. So that your flesh should be. Pour qu'on puisse entrer dans cette dimension spirituelle. So that you get into the spiritual. Sinon on va vous tromper, vous n'avez pas besoin de corps. Je vous ai dit que les satanistes ne viendront pas loin, sinon l'église ne subsisterait pas. Ils prennent la Bible. Ils lisent. Dieu a demandé à Abraham, God asked Abraham, donne ton fils, celui que tu aimes. Give your son. Après, il ferme la Bible. He closed the Bible. Il te dit, Dieu te dit aujourd'hui. God is telling you to be. Donc ce qui va faire vraiment. Alors vous n'avez rien à voir avec la Bible. Mais il a lu quelque chose dans la Bible. Mais il dit, donne quelque chose qui va te faire mal. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Tu dis, c'est ma voiture. Il dit, ma frère, ne résiste pas, donne.